Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1 sur le poste, une radio que l'on capte aussi sur la toile à ckrl.qc.ca quand on est en région éloignée de Québec. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie d'une artiste sonore qui est passionnée par les gens, la scène, les mots, les voyages au long cours et la vie. J'accueille ce soir en entretien Sophie Berger, une glaneuse de sons, sons qu'elle recueille, qu'elle accumule lorsqu'elle est en mouvement. C'est aussi une écrivaine en temps de pause qui aime réfléchir au silence qui nous entoure, ces silences, dit-elle, qui fabriquent les êtres que nous sommes. Très belle formule. J'ai eu la chance de croiser son univers dans un bref mémo publié dans le magazine web des Arts Sonnants de mon ami Gilles Malatré, magazine web dans lequel on annonçait le lancement prochain d'un roman de Sophie Berger intitulé « Banc de brume », roman résumé par cette phrase qui en disait beaucoup. J'ouvre les guillemets, « Un jour, j'ai choisi l'écoute silencieuse de la preneuse de son, et puis j'ai sondé le silence lui-même et il m'a fallu les mots. » Je referme les guillemets. Ça donnait certes l'envie de lire ce roman, mais tout aussi le goût d'aller jeter un coup d'oreille à l'univers sonore de cette aventurière du silence. Alors, formée à l'École des arts de la scène, conceptrice sonore, voyageuse et écrivaine, Sophie Berger a pour philosophie d'écouter le monde pour nous en livrer un propos, nous en traduire quelque chose de possible. Faire ça, dit-elle, avec des sons et des mots qui dialoguent en moi. Sophie Berger est une artiste française qui enregistre, compose, monte, mixe, transforme et performe. Beaucoup de verbes. Tout ça performe les sons depuis une dizaine d'années à travers de nombreux projets à réaliser pour la radio et le spectacle vivant. Le coup d'envoi de sa démarche artistique sera donné par un périple à pied de plus de 1000 km à longer le fleuve la Loire en France avec ses micros pour y capter une histoire sonore à raconter. Elle obtiendra en 2013 pour ce projet Loire le prix Découverte Pierre Schaffer, du concours Phonurgia, qui récompense des auteurs qui amorcent une voix singulière dans l'écriture des sons du monde. Puis vont s'enchaîner comme ça d'autres projets sonores aussi prometteurs, intéressants. Elle s'embarque 3 mois sur un porte-conteneur en direction de la Chine, puis sur le navire ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises. Alors, ces pièces sonores sont diffusées maintenant sur Arte Radio, France Culture, la RTBF et dans de nombreux festivals et événements. Et c'est parallèlement à ces voyages que Sophie Berger va animer des ateliers sur le son et l'écoute, composer des bandes son pour des spectacles vivants, créer des environnements sonores dans le contexte d'installations. Elle va d'ailleurs nous en parler ce soir. Elle crée depuis 2022 des performances sonores en compagnie de l'écrivain-performeur Fabrice Melchiot, des performances improvisées jouées en live qui combinent des textes poétiques et des sons. Alors ça, c'est une démarche vraiment formidable. Sophie Berger lançait en janvier dernier aux éditions Gallimard, comme je l'ai dit, un premier roman intitulé « Banc de brume », le récit d'une preneuse de sons qui explore le silence entourant un drame familial, une façon pour elle d'être attentive, à l'écoute, sensible du monde, à travers le récit littéraire, façon de réunir en elle l'agrégé de l'être et l'ingénieur du son. Voilà, j'ai eu la chance et le plaisir de m'entretenir avec Sophie Berger il y a quelques semaines à propos de ce beau récit et des projets sonores qui l'animent. Alors, parole à Sophie Berger. Sophie Berger, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer ce matin. Bonjour. Sophie, tu produis, tu crées sur le plan sonore de manière passionnément, je vais dire ça comme ça, depuis une dizaine d'années. Et je me demandais quel a été le moment crucial, le moment d'éveil au monde sonore. Qu'est-ce qui fait que tu as développé cette passion? Comment ça se produit? Il y a eu des hasards. Je ne sais jamais exactement si on sait toujours pourquoi on développe une passion à un moment. Parfois, on réécrit l'histoire après, donc je me méfie toujours un peu de ces réponses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, j'ai rencontré la radio avec une émission et quelqu'un qui faisait de la radio. Et en fabriquant un petit peu, en intervenant un petit peu dans cette émission, de façon très ponctuelle, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on coupait à la radio, c'est-à-dire dans les témoignages, notamment dans les interviews, dans les voix. Je m'intéressais plus au silence, aux hésitations, à toutes les chutes, en fait, qu'on mettait à la poubelle, qu'on mettait de côté. Tout ce qui n'était pas utile à la parole, au contenu, en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup plus intéressée à l'enregistrement, au son des voix, au son des paysages, au monde sonore et à l'écoute. C'est vraiment à travers la radio que tu prends conscience des sonorités qui t'environnent. Je crois que la radio a compté, bien sûr. Je crois que la radio est une façon de prendre conscience de l'écoute, en fait. Notre écoute avec nos oreilles dans le monde est un pouvoir fascinant, en fait. Mais on a plus tendance à venir admirer un beau coucher de soleil qu'à prendre le temps d'écouter le monde qui nous entoure. La vue a tendance à primer, et en réalité, notre écoute est immensément riche. Et ça, c'est sûr que la radio... peut nous aider, mais après, ce qui m'intéresse, c'est l'écoute en général. C'est vrai que la radio, c'est toujours mystérieux, fascinant. Sophie, pour se mettre un peu dans l'ambiance de ton travail sonore, on va écouter une première pièce. Ça va être un extrait parce que tu travailles tout de même, t'es une créatrice au long cours, tu crées des pièces très, très intenses, très, très longues. Et on va écouter un extrait de ta première création, je pense. Ça s'intitule « Loire ». C'est le fruit d'une longue marche que tu as fait il y a une dizaine d'années. On va écouter un extrait et puis on poursuit ensemble notre conversation. Toi, t'as dit que t'aimais pas la forêt. Et c'est une peur abstraite ou c'est une peur que tu pourrais dire « j'ai peur que quelque chose va se passer ». La peur, c'est de se paumer, quoi. J'aimerais pas passer la nuit dans la forêt, je crois. Thank you. C'est ce mot spooky. C'est pas de la peur, c'est quelque chose juste avant la peur. C'est avoir peur d'avoir peur, quoi. Je crois que ça a à faire avec l'enfance, avec les fairy tales. Les animaux sauvages, les sorcières sont dans la forêt, les voleurs sont dans la forêt. C'est une peur très archaïque, quoi. Hein? On veut voir ce qui se passe derrière le prochain hill. Hill? Derrière la prochaine colline. On veut voir loin et on ne peut pas voir loin dans la forêt. Sophie, je poursuis dans cette veine. Bon, le voyage a été pour toi une source d'inspiration très grande quand on regarde l'ensemble des projets que tu as réalisés jusqu'à maintenant. Et en écoutant tous ces projets, bon, ça m'a fait penser à Gaston Bachelard, le philosophe, bon, qui a écrit des bouquins. Il y en a un qui s'appelle L'air et les songes, puis bon, un autre qui s'appelle L'eau et les rêves. Et je trouvais que Sophie Berger travaillait L'eau et les rêves sonores. Et je voulais savoir en quoi l'univers maritime, tu es fasciné par l'univers maritime et cherchais à voir qu'est-ce qui t'attire dans cet élément. Alors c'est amusant parce que on me le fait souvent remarquer et en même temps je n'ai pas l'impression d'être mes pièces tournent beaucoup autour d'histoires d'eau. Voilà, il y a une descente de la Loire à pied, il y a un temps à bord d'un porte-conteneurs sur les océans, il y a des embarquements à la pêche, il y a un travail dans les terres australes, un travail sur l'île de Pâques qui est une île entourée d'eau. Mais en même temps, c'est pas vraiment. Je ne me dis pas que je cherche l'eau à chaque fois. J'ai pas la sensation d'être. Ouais, j'ai pas la sensation d'être habitée par ça, mais je pense qu'à un endroit, mon imaginaire l'est, bien sûr, bien sûr. Je saurais pas dire pourquoi. Je ne saurais pas dire pourquoi. Et c'est aussi tout cet environnement géographique qui est présent dans ce travail. Bon, autour du maritime, mais Oui, ce qui est sûr, c'est que pour ces pièces, j'ai essayé de me mettre à l'écoute d'un territoire ou d'un espace. Alors, ça peut être un territoire géographique, ça peut être un lieu de travail, un espace comme un porte-conteneurs, et de me mettre radicalement à l'écoute de cet espace pendant une période, de m'immerger dans cet espace et d'essayer d'en retranscrire quelque chose. Sans que cela soit uniquement documentaire d'ailleurs. Mon intérêt pour la matière sonore, il est d'abord de se mettre à l'écoute d'un espace et ensuite d'en raconter quelque chose qui soit une forme, c'est-à-dire de créer une forme sonore qui puisse emmener l'auditeur à cet endroit. Mais aussi, quand je dis à cet endroit, en fait, c'est à ce que j'en ai éprouvé par l'écoute. C'est-à-dire que je vais essayer d'être plus claire. Je crois fondamentalement qu'un lieu n'existe pas indépendamment de toute écoute et de tout être. C'est-à-dire que quand on vient enregistrer un endroit, c'est pas le nagra qui enregistre, c'est pas les micros, c'est pas l'enregistreur. C'est fondamentalement du son qui passe par un être, par des oreilles, et par des oreilles branchées sur un cerveau, branchées sur un corps, branchées sur un désir, branchées sur un imaginaire, et que dès lors, l'écoute est fondamentalement traversée par des projections, par une façon d'écouter le monde. Et donc, ce qui est à restituer, c'est moins ce qui serait du réel brut existant hors des micros, que du réel passé par un corps, passé par des corps, sans que ce soit nécessairement uniquement le mien, mais passé par de l'écoute et par du corps. Tout à fait. On sent d'ailleurs dans toutes tes productions cette interrelation, évidemment, avec l'environnement, qu'il soit naturel ou matériel, mais aussi cette relation que tu crées avec les humains, avec les gens qui t'entourent. Et on le perçoit bien dans ce beau travail que tu as réalisé. C'est un travail que tu réalises en 2015. Ça s'intitule « Cargo ». Encore là, un long voyage sur un porte-conteneur. Tu vas faire l'aller-retour peut-être là, du Havre jusqu'à la Chine, et le retour. Alors, Sophie, on va en écouter un extrait de ce projet intitulé « Cargo ». Berth to Pilot, donc ici on est Berth, c'est le quai, jusqu'à PS et Pilot Station. Donc ça c'est la première feuille pour aller jusqu'au pilote. Au départ, standby engine, c'était à 16h10. Ouais. Ça c'est les compteurs GPS. Ça c'est le compteur, c'est-à-dire quand ton bateau avance, il va compter par rapport au lock. Donc le lock, c'est par rapport à la surface, l'eau, là. Mmh. Il va compter combien de milles on fait. Et le GPS, il va compter aussi, lui, par rapport au fond. Pourquoi T1, T2? Parce qu'il y en a un qu'on reset quand on a fini notre manœuvre pour avoir un compteur pour la manœuvre et un pour toute la durée du voyage. Echo Sounder, on a vérifié. Mmh. IS Update, c'est bon. Encore ready to let go. Bah, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Si, tu le sais, parce qu'il va te dire « anchors unlashed » ou un truc comme ça. Il va enlever les stoppers hydrauliques, les chaînes, etc. On verra ça ensemble, si tu veux. Mm. Crew call to station. Tu n'as pas entendu, mais il a fait le test avec l'avant à l'arrière qui ont dit qu'ils étaient prêts. Donc okay. Là, il y a 5 personnes au minimum à l'avant, 5 personnes à l'arrière, avec un lieutenant à l'avant arrière qui sont prêts, qui ont mis les winches en manu. Il va faire les tests machines, etc. Valero, yep. Payot, yep. Evangelista, yep. Beignet, yes. Besso, yes. Kayatok, Vargas, là, la table à carte. Cabrera, Massingua, yep. Robenza, yep. Damuglio. Donc moi, ce que je regarde juste, c'est la séquence des cartes. Dominguez. Donc on démarre par la 21-53. Taclan, Galagala. Et pourquoi 2 plus 2? Alors ça, c'est les amarres. Tu connais tes amarres? Ouais, je les ai vus. T'as la pointe, avant, pointe okay. Arrière, traversière, garde, avant, ouais. Garde arrière. Okay. Celle-là, elle empêche de culer, celle-là, elle empêche d'avancer, celle-là, elle empêche, les deux empêchent de décoster. Mm. Et celle-là, c'est un peu pareil, mais avec une force différente. Ouais, c'est une composante. Donc quand on dit 2 plus 2, normalement notre position c'est 4 plus 2. On fout 4 pointes devant, 2 gardes. Ok ? Donc 2 plus 2, ça veut dire 2 pointes de garde. 2 pointes de garde. Là ils viennent de dire qu'ils ont envoyé 2 lignes. Casted off, ça veut dire enlever. Casted off, ok. Donc là, je peux mettre 2 plus 2. Clear, ça veut dire que les amarres sont pas dans l'eau. Mm, ok. C'est important derrière pour l'hélice, etc. Mm. Et pour les propulseurs à l'avant. Forward and aft. Comme ça, on balance tout. Le mieux, c'est tout marquer, prévoir ce qui va se passer et tu modifies. Alors là, c'est top. Et là, comme je suis un peu débordé. On va prendre les commandes à l'intérieur. Donc, je suis moteur en avant très lente et propulseur à gauche. Ok. Sophie Berger, tu as réalisé un projet qui s'intitule « Les carnets du Pacifique ». Bon, on est dans le maritime, certes, mais aussi on est sur le territoire, on est dans l'Asie du Sud-Est. J'aimerais que tu me parles de ton approche sur le terrain, de ton processus. Est-ce que, quand tu démarres un projet, est-ce que tu es mené surtout par les circonstances, par le hasard, ou bien si tu as toujours un petit peu un scénario qui t'accompagne dans le développement de tes projets? C'est intéressant, cette question. C'est peut-être parfois la croisée des deux. C'est parfois difficile d'anticiper un scénario. Ce qui est sûr, c'est que les projets partent d'un désir d'un espace, d'un désir de son, d'une envie d'aller écouter à tel endroit ou d'aller ausculter avec les micros tel espace, tel phénomène, d'une envie, d'un désir, vraiment. Mais après, je me laisse vraiment porter par l'écoute et parce que je récolte avec l'écoute, avec les micros, en essayant de me laisser porter par ce feeling-là. Et je repense à une phrase qui est dans les propos d'un tailleur de son de Yann Parentoen, qui est un petit texte qui retrace un peu de son parcours. Et c'est « Le script naît des sons ». Et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est de la matière sonore que naît ensuite l'écriture et l'envie d'écrire telle ou telle séquence qui va ensuite nourrir la pièce. Sophie, on va écouter tout simplement un extrait de ce carnet, de ces carnets du Pacifique, et j'ai retenu cette belle pièce là, d'ambiance qui s'intitule « Cortège à Bali ». Alors, on écoute ça. Thank you. Le village de Sungan qui retrouve son calme. La procession qui a traversé le village jusqu'au temple et qui maintenant se disperse. Ils étaient tous vêtus du sarong, qui est une sorte de tissu pour couvrir les jambes. Ils étaient habillés en jaune et blanc. Ça se passe deux fois par an. On est à Bali, à côté du lac Batu, dans le village de Sungan. C'est un village dans les montagnes. Bon, Sophie, ton travail sonore, c'est un travail sur le terrain. Bon, ce qu'on appelle le field recording, et puis il y a évidemment tout ce travail de découpe, de montage, tout ça. Mais ton travail sonore, il va aussi se cristalliser dans l'espace, bon, sur la scène en tant que telle, mais aussi à travers des installations. Je pense à cette installation qui s'appelle « J'avais 9 ans » en 1939, ou encore cette autre qui s'intitule « Stand By Channel ». Il me semble que tu bascules dans le voyage plus intérieur, dans le voyage qui est plus autobiographique. Est-ce que c'est le même modus operandi dans le cas de tes installations, quand tu crées une installation? Comment ça émerge, ce type de projet, qui est tout de même différent dans sa finalité du voyage et de la captation et de l'écriture sonore de voyage, je vais dire ça comme ça? Le travail sur les installations, ça naît du fait que mon travail du son, il est à la croisée de plusieurs domaines. C'est-à-dire que je fais des pièces radiophoniques, mais je travaille aussi pour la scène. Je travaille parfois pour des spectacles, en collaboration, mais parfois pour des performances vraiment où j'écris, où je co-écris avec un auteur, par exemple une forme radiophonique, mais pour la scène. Et les installations, c'est le projet de développer un dispositif d'écoute qui soit pensé aussi. C'est-à-dire que la forme sonore qu'on pense n'est pas dissociable de la forme du dispositif d'écoute. Et tout ça rejoint le fait que ce qui m'intéresse dans le son, c'est tous les aspects. C'est-à-dire, c'est comment on l'enregistre et comment on restitue une écoute. Mais pour enregistrer et essayer de donner à sentir une écoute d'un corps, on doit aussi penser l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire comment on le donne à écouter. Et chaque dispositif, que ce soit le casque ou des points de diffusion, peut avoir son intérêt. Mais j'aime aussi énormément, effectivement, la diffusion sur scène, d'avoir des rapports sonores de dynamique très forts, avec, ça veut dire des sons très faibles et des sons très puissants, mais aussi d'avoir, pourquoi pas, des installations sonores à travers des téléphones ou l'installation Standby Channel, c'est avec des petits postes de radio, de navire, avec donc une qualité sonore un peu dégradée, mais où c'est vraiment un dispositif choral de radio, de navire qui se répondent. Et la pièce est directement pensée pour ça, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes choses que je donne à écouter dans ces dispositifs-là que dans une pièce de voyage, justement, une narration au long cours, comme ça, comme Cargo. Donc ça m'intéresse évidemment de choisir des formes narratives, mais aussi pour des formes et des dispositifs d'écoute particuliers. C'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on donne à écouter et comment. Puis il y a aussi ce lien concret que tu crées avec, avec les gens qui écoutent, avec, avec l'auditoire. Et ça donne du sens aussi à toute cette démarche. Sophie, on va écouter un extrait de cette installation dont tu as fait mention qui s'intitule Stand By Channel. Alors, on écoute ça. Sophie, alors évidemment, je n'allais pas manquer cette occasion durant notre rencontre de parler création sonore et monde littéraire, parce que ça aussi, c'est un élément de ta démarche qui prend de l'ampleur, qui est important. C'est le travail de création que tu mènes avec Fabrice Melchiou. Et j'aimerais savoir comment s'est développée cette complicité avec Fabrice. Et puis, qu'est-ce qui vous anime sur le plan sonore et littéraire? En d'autres termes, qu'est-ce qui se cache derrière les mots dans la démarche que tu développes depuis plusieurs années, je dirais. Ouais, alors le travail avec Fabrice, il se développe depuis 2 ans. Et Fabrice Melchiou, en fait, m'avait donné rendez-vous pour travailler. On ne se connaissait pas. Et voilà, il m'avait contacté pour... il avait écouté des choses que j'avais faites et puis il m'avait proposé, il avait une carte blanche et l'idée c'était qu'on se rencontre un lundi et que le samedi on fasse écouter une forme sonore dans le noir, dans un théâtre, en racontant le souvenir d'une année. Donc c'était une performance qui s'appelait La nuit des temps 1999. Et on racontait le souvenir de l'année 99. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que c'était extrêmement stimulant de vraiment écrire ensemble, à deux, une forme qu'on pense directement pour l'écoute, c'est-à-dire que c'est une forme où il n'y a rien à voir, mais qu'on joue pourtant en direct, dans le noir du théâtre, mais voilà, sur scène dans le noir. Et l'idée, c'est vraiment voilà, comment on écrit une forme qui est pensée pour la radio, enfin pour l'écoute en tout cas, où le texte et le son se font soit relais, soit contrepoint, se complètent, se contredisent, coopèrent pour créer des images. Parfois, c'est le son qui prend en charge, parfois, c'est l'écriture. Parfois, c'est dans la confrontation entre les deux que naît le sens. Et l'idée de ces performances qu'on fait régulièrement, jusqu'à avoir imaginé récemment un set d'improvisation poétique carrément, où là, on est sur scène tous les deux, moi avec ma sonothèque, mes sons, un looper, et puis des outils comme ça pour transformer les sons, et lui avec son ordinateur, où on écrit en direct des poèmes à partir de quelques contraintes formelles que le public met en place avec nous, puisqu'il participe, pour écrire des poèmes dans des manches de 10 minutes à peu près, et puis qu'on joue en direct ensuite. Et ces dispositifs-là, c'est des dispositifs qui réclament des temps courts, des temps de concentration extrême. C'est-à-dire que souvent, c'est, alors à part l'improvisation, là c'est le temps de la performance, mais sinon c'est des temps de voilà, 3 à 5 jours où on est ensemble pour écrire une forme sur un territoire donné, souvent à partir de rencontres avec les gens de ce territoire, et les rencontres nourrissent la fiction. Et comment on écrit de façon concentrée une forme sur ces quelques jours, en fait. C'est très intéressant, Sophie. Ça fait penser au ready-made, que développe Marcel Duchamp dans les arts visuels. Et là, on a quelque chose qui ressemble au ready-made sonore. C'est vraiment très, très inspirant. Et puis, ça me permet de comprendre le titre des extraits parce que ça s'intitulait « Manche numéro 1, manche numéro 2 ». Alors, on va écouter un extrait du projet Larsen Love et on va écouter des extraits de la manche, soit numéro 1, soit numéro 2. Je vais faire mon choix au montage, mais on écoute ça. Fenêtre. Au cœur de l'hiver, devenir la fenêtre pour devenir l'hiver. Se trahir par nécessité. Se mettre derrière soi, se voir la nuque, se trouver beau vu de derrière, devenu l'ombre d'une silhouette désertée. Cuver deux solitudes à la fois, comme si la beauté résidait dans la séparation, dans l'interstice, dans la fissure, dans le jour infime qui existe jusque dans le ciment, deux solitudes à la fois, deux solitudes à la fois, dans le blanc qui quitte le jaune, deux solitudes à la fois, dans le noir qui au matin jette l'orange contre le ciel, deux solitudes à la fois. Dans ma main, deux solitudes à la fois, qui quitte la tienne, deux solitudes à la fois, comme tout à l'heure quand nos cœurs opposés se sont mis à tourner sur eux-mêmes pour mieux se diviser, s'éloigner, pour contrer la dépendance et deux solitudes à la fois, mieux deux solitudes se reconnaître, deux solitudes à la fois, et mieux se reconnaître. Sur eux-mêmes pour mieux se diviser, s'éloigner. contrer la dépendance et mieux se reconnaître comme des derviches très urbains, comme des rabbins sous un soir de baptême. J'étais sous, j'avoue, mon amour. Pardon, c'est vrai, j'étais sous, mais sincère, mais loyal, mais droit, comme les angles de cette fenêtre, cœur de l'hiver, comme les angles de cette fenêtre, cœur de l'hiver, comme les angles de cette fenêtre, cœur de l'hiver, j'étais sous. Sophie, bon, tu vas lancer un roman où on pourrait peut-être un peu dire que le littéraire a pris le dessus sur le sonore, bien que, à l'écoute de tous tes projets, l'écriture est là, dans le son de ta voix, dans le narratif que tu ajoutes à toutes tes captations sonores. Tu racontes là où tu es. Mais ce roman qui s'intitule « Banc de brume », ben, j'aimerais que tu nous en parles. J'aimerais que tu me parles de ce projet d'écriture. Comment il est né et puis qu'est-ce qu'il signifie pour toi à ce moment-ci dans ton cheminement artistique? Alors, « Banc de brume », c'est un roman qui est arrivé, hein, c'est-à-dire que j'en suis arrivée à l'écriture littéraire, à revenir à l'écriture littéraire, en fait, c'est-à-dire que l'écriture a toujours été là, qu'elle soit de son ou de mots. Mais quand je suis arrivée avec cette histoire, qui est celle de « Banc de brume », je me suis retrouvée face à un silence. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je lâche les micros pour raconter le silence et pour le sonder. L'histoire de « Banc de brume », c'est l'histoire d'une jeune femme, alors qui est aussi preneuse de son, mais pas forcément pour l'élément biographique, mais vraiment parce que c'est une histoire de silence et qu'il faut se mettre à l'écouter. Et donc, c'est l'histoire de cette narratrice qui, un jour, par les hasards de sa vie professionnelle, se rend sur la tombe de son oncle et sa tante, qu'elle n'a jamais connus, qui sont décédés 45 ans plus tôt, et qui sont décédés quelques jours après leur mariage dans un accident d'avion en Bretagne. Et à partir de là, sur cette tombe, elle est prise d'un vertige à l'idée de se dire « Mais de cette histoire, je ne sais rien. » Et le silence a recouvert l'histoire, en fait. La sidération a complètement confisqué l'histoire. Et c'est un silence qui s'est transmis au fil des ans, pendant 45 ans, et au fil des générations, je dirais. À partir de là, la narratrice se met à fouiller les archives, les photos, à rencontrer des témoins de l'époque, et s'écrit une histoire sur une trame alternée entre les années 76, 75, 76 et les années 2020, pour explorer finalement ce silence, pour retrouver l'histoire de ce couple et refaire surgir ces figures. Mais avant tout, pour explorer de quoi sont faits nos silences, que ce soit celui-ci ou d'autres, je crois fondamentalement que les silences fabriquent aussi les êtres que nous sommes. Et à partir de là, il n'y a rien d'univoque là-dedans. C'est vraiment comment nous sommes aussi constitués de ces silences. Et ce texte essaye d'explorer ça. Tu t'y attends pas, tu marches, puis d'un coup ça te bouscule, ça te fait tomber. Les couleurs. Pas très vert. Le ciel souvent gris. Et cette terre qui est toujours un peu brune ou presque rougeâtre à certains endroits. Ça, c'est l'île mystérieuse, parce qu'on peut pas y aller. Mais on aimerait bien, quoi. C'est... Sophie Berger, pour compléter notre conversation de ce matin, j'aimerais que tu me parles de tes projets. Bon, quand on va sur ton site Internet, là, il y a beaucoup de matériel, c'est extrêmement intéressant. Les auditeurs pourront retrouver là, les références sur le site de la Croche-Oreille. Mais où est tes projets actuellement? Qu'est-ce que tu concoctes comme réflexion, comme travail actuellement? Là, actuellement, je suis en train d'écrire un cycle de 4 fictions-performances avec Fabrice Melchiot, qui sont des fictions-performances qu'on écrit pour des théâtres joués dans le noir et qui sont captées par France Culture, donc par la radio française, et qui seront diffusées en juin prochain, sur 4 dimanches soirs, dans les fictions de France Culture. Et puis, voilà, après, il y a d'autres projets d'écriture, du côté de l'écriture littéraire aussi. Voilà, mais sur les projets qui sont moins avancés, je ne vais pas forcément développer plus, mais oui, il y a des choses en cours, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des voyages qui sont dans ton programme à venir, un peu à la manière de ces voyages que tu as menés jusqu'à maintenant? Ou encore, est-ce que des destinations que tu planifies, que tu imagines là, pour les prochains mois ou les prochaines années? Est-ce que tu caresses des rêves géographiques et sonores? Il y a des rêves géographiques, mais cette chose-là, elle peut être aussi plus intérieure, je crois. Le déplacement a pris un petit coup aussi depuis la pandémie. Mais surtout, je crois que le déplacement géographique, ça a été aussi une façon pour moi d'apprendre, une certaine façon de me mettre en écoute et en disponibilité radicale au son que j'enregistrais. Maintenant, cet état-là, j'ai la sensation que je peux le retrouver sans forcément avoir besoin de me déplacer toujours de la même façon. C'est un déplacement peut-être plus intérieur. Voilà, de mise à l'écoute, que ce soit du côté de l'écriture sonore ou de l'écriture littéraire. Sophie Berger, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. Ça a été très, très agréable. Merci beaucoup. Allez, salut. Oh, fraîcheur, voire même d'humidité. En fait, aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier et les jours précédents, après la dissipation de la grisaille matinale et des brumes localement denses, on va avoir de très belles éclaircies dans le courant de l'après-midi, surtout d'ailleurs sur l'est de la région. Un ange me dit même, part du pays, passe, ou pas, je me pose. Les stars se sont battus pendant des années, ont cru à, pas un Eldorado, mais ils ont cru à une France très différente, et ils ont pensé qu'ils auraient ça en 45. Mais faut pas, non, c'est pas de la trahison, il y a aussi un principe du réel. La guerre est finie, les Allemands sont partis, la vie reprend, les gens mangent, baisent, boivent. Pense à leurs vacances, enfin je veux dire, la vie reprend. Ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir sur des créations de l'artiste sonore et écrivaine Sophie Berger. Grand merci à Sophie Berger et Fabrice Melchio de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. On peut retrouver le roman de Sophie Berger intitulé « Bande de brume » dans toutes les bonnes librairies. C'est paru en fin d'année, début d'année 2024 aux éditions Gallimard. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site L'Accroche-Oreille ainsi que toutes les émissions pour écoute ou réécoute quand ça vous tente. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Des bonhommes en imperméable, vous savez, avec les chapeaux mûs. Une fois, j'arrivais de l'école. Comme on pouvait, mais c'était... Ça a été une jeunesse, enfin quelques années de jeunesse. Vaches pour prendre une terre et un morceau de fromage, parce que du fromage, on n'en avait pas. Pour ça que je gaspille pas un morceau de fromage. Figure-toi que maintenant, 84, quand je vois un gars avec un chapeau et l'imperméable beige, une fraction de seconde, ça me fait le machin, je revois tous ces... On revoit tout ça. Parce que la Gestapo a fait beaucoup de mal. Très, très, très douloureux. Enfin, moi, je vois encore, quand j'imagine, je vois les scènes, comment ça s'est passé. Ce ne sont pas des choses qu'on oublie. Quoi. La brise près de son archet chante la valse des regrets. Rompus par les marches et par les combats, ces hommes, dont l'ennemi avait cru briser les nerfs, ne doutaient pas de l'issue finale de la guerre, ne doutaient pas du sort de la patrie. L'héroïsme des armées de Dunkerque a été dépassé dans les combats qui se livrent de la mer à l'Argonne, l'âme de la France. Radio Paris est allemand, ne laisse pas abattre. Radio Paris. Radio Paris. Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand, Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. C'est ce que vous venez de prendre, ça? C'est la pêche du matin. Ok. Il y a quoi alors? Ça, c'est quoi que ce poisson-là, par exemple? Là, c'est la dorade. C'est un petit mélange dorade, sole. Ah, il y a des sols. Bah, il commence à faire chaud, dès qu'il commence à faire chaud, on a des sols. D'accord. Et sinon, bon, vous pêchez sur l'étang seulement ou... Ah oui. Sur l'étang. Nous, voilà, on pêche sur le bassin de Thaux, on peut dire l'étang de Thaux, la lagune de Thaux. Oui. D'accord. Et vous faites ça depuis longtemps, la pêche? Là, moi, j'y suis née un peu dedans, puisque je suis fille de pêcheur. Donc, j'ai appris le métier depuis que je suis née. Et puis Marlène. Moi, ça fait 13 ans que je travaille avec Claudia. D'accord. Mais vous êtes nombreuses? Ah, pas très nombreuses, non. Ben, déjà, en équipage féminin, on est les seuls sur la oui. France. Vous êtes les seuls en France? Oui. Et après, des capitaines, exclusivement capitaines seuls à bord avec... Une trentaine. Oh, pas tant. Ouais. Mais bon, il y en a un peu au moins une même. Dizaine, ouais. Au moins, sûr. Mais c'est pas quand même énorme. D'accord. Et là, c'est à tous les poissons, vous allez en faire quoi là maintenant? En fait, tout ce poisson-là qui est glacé, on va le préparer pour des paniers, puisqu'on va faire la vente des circuits courts. C'est-à-dire qu'on va aller directement le vendre au consommateur. On va le conditionner, l'emballer, et puis ce soir, on fera la livraison dans les villages.